Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Et bonjour à toutes et tous, et c'est l'heure du Mag sur Radioactive, votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale. Et aujourd'hui dans ce Mag, eh bien, on va parler emploi, entrepreneuriat et dynamisme local avec un acteur clé du territoire. Je reçois aujourd'hui Sylvie Boitel. Sylvie est chargée de développement économique et touristique à la communauté de communes du Val d'Amboise, dédiée à l'accompagnement des entreprises, des porteurs de projets, des entrepreneurs. Bonjour Sylvie. Bonjour Marlène. Alors aujourd'hui, Sylvie, on va parler de deux sujets importants. D'abord, le Forum de l'emploi qui est organisé ce 5 février à Amboise. Et puis, on va également parler des permanences entrepreneurs qui sont mises en place sur différents quartiers d'Amboise, mais à destination du public plus largement. Pour commencer, Sylvie, on voudrait vous connaître un peu mieux et savoir en quoi consiste votre rôle de chargée de développement économique et touristique. À quel public est-ce que vous vous adressez ? Eh bien, comme vous l'avez si bien dit au tout début, Marlène, donc je suis Sylvie Boitel, je suis chargée de développement économique et touristique au sein de la communauté de communes du Val d'Amboise. Et donc, mon rôle au quotidien, c'est d'être au contact des entreprises donc, de notre territoire, mais pas que, puisque nous avons la chance aussi, le Val d'Amboise, d'avoir le label Territoire d'Industrie, qui réunit quatre communautés de communes, donc le Castel-Renaudet, Touraine-Est-Vallée et autour de Chenonceau-Bléré. Donc, le lien avec les entreprises et notre quotidien. Je suis aussi chargée de mission pour de l'entrepreneuriat, donc d'où la deuxième partie de notre interview sur les permanences création d'activités. Mon rôle aussi est de réunir, de recevoir des porteurs de projets, notamment sur le développement de la zone d'activité de la boîte Ardière. Alors moi, mon rôle du quotidien est plutôt sur la partie commerciale de la boîte Ardière, donc je reçois les porteurs de projets. J'ai aussi un rôle dans le tourisme, où là on travaille en collaboration avec l'Office du tourisme du Val d'Amboise. Il y a un rôle stratégique là-dedans. Oui, puisque aujourd'hui la compétence tourisme est en charge de la communauté de communes du Val d'Amboise, mais nous avons cet outil entre guillemets qui est l'Office de tourisme, qui aujourd'hui se gère en autonomie, mais bien sûr toujours en relation avec la communauté de communes du Val d'Amboise. Très bien. Alors, on va en venir à l'un de nos sujets importants de cette émission. C'est le Forum de l'emploi qui aura lieu donc ce 5 février à la Maison des associations d'Amboise de 9h à 13h. Donc, un temps fort de cette actualité avec ce forum. Pourquoi est-ce que la communauté de communes a souhaité organiser cet événement et pourquoi début février, par exemple ? Alors, déjà, pourquoi vouloir réaliser ce forum ? Tout simplement parce que nous avons la chance dans notre quotidien, nous chargés de développement économique, de rencontrer les entreprises de notre territoire, de rencontrer aussi les habitants dans diverses manifestations, événements. Et à un moment donné, ces entreprises sont en recherche de pépites, de futurs talents, enfin voilà, à porter dans leur entreprise. Et comme nous rencontrons régulièrement des personnes du territoire qui sont en recherche, le but c'est de les mettre en lien à un moment précis avec les besoins et de l'entreprise et les habitants du territoire. Donc ça déjà c'est le premier point fort. Et pourquoi début février ? Alors comme je vous l'ai dit dans ma présentation, il y a ces missions de tourisme que je fais dans mon quotidien. Et donc début février, c'est une période qui est assez propice, notamment au recrutement des futurs saisonniers dans le milieu touristique. Donc voilà. Et puis aussi en lien avec les entreprises, peu importe d'ailleurs les activités, il se trouvait que février était un moment aussi intéressant pour pouvoir se dégager du temps au niveau des entreprises pour être présent à un forum. Et qu'est-ce qui différencie le forum de l'emploi proposé par la CCVA à celui, par exemple, de la mission locale Loire-Touraine, qui est un forum plutôt job saisonnier, qu'on va retrouver aussi le 25 mars, ce sera au centre socioculturel de Bléré, j'en profite pour passer l'information. Qu'est-ce qui vous différencie ? Alors aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est que nous, on est sur un forum multi-activités. Notamment, nous aurons donc quasiment une trentaine d'entreprises qui seront présentes lors du 5 février et qui sont dans plusieurs secteurs d'activité. Nous allons avoir de l'industrie pure, si je puis me permettre. Nous allons avoir de l'industrie pharmaceutique, du service à la personne, du conseil en immobilier, du milieu médical, puisque nous aurons la chance d'avoir le CHIC qui sera représenté. Nous allons avoir des agences d'intérim, donc là, plusieurs secteurs d'activité en recherche, du tourisme. Oui, nous allons avoir du tourisme avec beaucoup de postes à pourvoir, que ce soit réceptionniste, milieu hôtelier, restauration. Nous allons aussi avoir technicentre la SNCF, la Poste, la Gendarmerie nationale, Patapin. Donc on va avoir vraiment plusieurs activités de structures qui seront présentes, ce qui fait que pour une personne qui est en recherche d'emploi, recherche d'alternance, recherche de stage ou tout simplement quelqu'un qui souhaiterait faire une nouvelle orientation professionnelle, elle va pouvoir venir lors de cet événement et pouvoir aussi bien rencontrer des entreprises, des métiers sur lesquels peut-être elle n'aurait pas envisagé de se poser tout simplement comme ça, et là de se dire pourquoi pas, on recrute. Pourquoi ne pas me lancer? Pourquoi ne pas tester? Donc, près d'une trentaine d'entreprises qui seront présentes avec plus d'une centaine de postes qui seront proposés. Et donc, on reprécise bien, ça peut être à la fois pour rechercher un emploi, une reconversion ou quand on est en recherche d'orientation. C'est vraiment tout public. Tout à fait, c'est vraiment tout public. Vraiment, moi, je conseille à toutes les personnes qui ont la possibilité de venir le 5 février de 9h à 13h à la maison des associations Place Richelieu, de venir avec leur CV si elles l'ont déjà, et de pouvoir faire leur choix, de pouvoir rencontrer, de pouvoir découvrir. Rien de vaut un contact direct. Tout à fait. Je crois qu'il y a un atelier qui va également être prévu sur la matinée de ce 5 février. Oui, en collaboration avec nos collègues du Pépite Lab, donc Yann et Audrey seront présents pour justement aider les personnes qui sont en recherche d'emploi dans leur élaboration de CV. Et surtout aujourd'hui, de pouvoir s'aider de ce nouvel outil dont tout le monde parle, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comment cet outil peut nous aider dans ma recherche d'emploi, dans mon élaboration de CV, de façon à être le plus vendeur possible. Donc ça, c'est un atelier qui va être proposé gratuitement. Tout ce dont on parle aujourd'hui est vraiment gratuit, en entrée libre. L'atelier, j'ai envie d'affiner, j'ai envie de vraiment que mon CV mette vraiment en valeur mes compétences, mes expériences. Audrey et Yann pourront vous aider ce jour-là à le réaliser. Donc le mieux, c'est d'apporter quand même le CV qu'on a déjà, imagine. D'apporter le CV ou de moins avoir une maquette qui récapitule votre parcours, si parcours il y a, parce que encore une fois, on est dans une recherche de stage aussi ou d'alternance. Absolument. Donc on a des personnes qui arrivent et qui n'ont pas encore eu d'expérience et il n'y a aucun problème. C'est vraiment aujourd'hui, dans notre vie, eh bien, ça peut être des expériences qui nous paraissent en dehors du milieu professionnel et qui, bien au contraire, peuvent apporter demain à une entreprise de nouvelles visions et de nouvelles vues sur ce qu'on peut apporter. Absolument. Sylvie, je vous propose qu'on marque une pause en musique avec Linkin Park, Up From The Bottom. C'est un titre que vous avez choisi, un titre rock'n'roll qui vous plaît particulièrement. Tout à fait, j'adore, et ça fait un petit clin d'œil à ce groupe qui a su se relever, se renaître sans rentrer dans l'historique, mais voilà comme quoi rien n'est jamais terminé et tout peut recommencer. Et vous en êtes l'exemple, Sylvie. On se retrouve juste après pour parler de l'accompagnement des entrepreneurs sur le territoire. Très bien. Each time I hold my fist inside my palm. coming. Poison on his lips and his words mean nothing. Cold like a mountaintop, father never loved him. Mama said he's bad enough times that it sunk in. Everybody out, that devil is coming. Promise you the world, but he's always bluffing. Before you even know it's a trap you're stuck in, he's gone like a ghost already off running. Linkin Park, Up From The Bottom, le titre choisi par mon invité aujourd'hui. Mon invité, c'est Sylvie Boitel. Sylvie, on le rappelle, elle est chargée de développement économique et touristique à la communauté de communes du Val d'Amboise. Elle est venue aujourd'hui pour nous parler de deux événements. Le premier qui a fait l'objet de cette première partie, c'est le Forum de l'Emploi qui aura lieu ce 5 février à la Maison des Associations d'Amboise de 9h à 13h. Donc notez-le, venez. Il y aura donc plein d'entreprises présentes, plein d'employeurs à rencontrer, plein de perspectives professionnelles qui se dessineront évidemment ce jour-là. Et puis dans cette deuxième partie d'émission, parce que Sylvie nous l'a dit, le lien avec les entreprises, bah c'est son quotidien. Eh bien, on va parler des permanences entrepreneurs qui vont avoir lieu sur Amboise, qui ont déjà lieu d'ailleurs, hein, ça a déjà commencé. Est-ce que Sylvie, vous pouvez justement nous en parler ? Oui, Marlène, je peux vous en parler avec beaucoup de plaisir. Donc, en effet, le 20 janvier, on démarrait les permanences création d'activités, dont le but est de pouvoir recevoir les habitants de notre territoire qui souhaiteraient créer leur activité, donc au sens large du terme. J'ai envie de créer ma micro-entreprise, j'ai envie de créer mon entreprise, ma société, mon association. Et donc, aujourd'hui, le but, c'est de vraiment identifier un lieu. Donc, ces permanences ont pour nom Déclic. De vraiment identifier un lieu et une personne et se dire j'ai la possibilité de rencontrer donc la communauté de communes du Val d'Amboise via Sylvie les mardis tous les 15 jours. Donc je suis de 9h à midi et demi à la Sage, anciennement le FJT, et l'après-midi de 13h30 à 16h30 au centre social de la MJC à la Verrerie. Et donc le but, c'est de pouvoir recevoir, rencontrer, échanger, que je puisse vous informer, vous orienter vers les personnes, vers les acteurs, les partenaires les plus appropriés, par exemple, à votre projet. Donc voilà. Le fait d'avoir implanté justement ces permanences dans les quartiers, ça ne veut évidemment pas dire que ça s'arrête aux habitants des quartiers. En effet, alors le but c'est que bien sûr les habitants de quartier se saisissent de cette opportunité de venir s'ils souhaitent créer une activité, mais bien au contraire c'est ouvert à tous les habitants du Val d'Amboise. Et alors moi quand on m'a parlé de ces permanences, j'ai dit chouette, mais il y a déjà le bus de la BGE qui vient régulièrement, alors est-ce que c'est complémentaire, est-ce que vous êtes concurrent, est-ce que vous proposez pas les mêmes choses, c'est quoi la relation entre les deux ? Eh bien comme vous l'avez dit Marlène, c'est complémentaire. D'accord. Le bus lui est là pour venir dans un premier temps accueillir et orienter vers les partenaires et les acteurs du monde de la création au sens large, alors que le rôle de Déclic, c'est vraiment de pouvoir répondre à des premières interrogations, que ce soit de l'émergence. Voilà, je souhaite créer, enfin je sais pas, une association. Comment aujourd'hui je peux créer une association ? Quelles sont les démarches ? Et puis on va avoir la chance aussi lors de ces permanences Déclic, je vais être accompagnée de différents partenaires et acteurs du monde de la création, notamment ID37, la Chambre des métiers, de l'artisanat, la Chambre du commerce et de l'industrie, Incubatest et bien d'autres encore. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces lieux de permanence, car seront affichés à l'avance les partenaires et les acteurs qui interviendront dans les prochaines permanences, aussi sur les réseaux, seront diffusés toute cette programmation. Mais en tout cas, la différence du bus, c'est que vraiment, on aille plus loin que de l'orientation. Mmh. Là, on est vraiment dans... on peut donner des pistes. Et puis même, j'ai envie de dire, là, on est dans de la création d'activités. Mais par exemple, pour des personnes qui ont déjà créé aussi, on va pouvoir les accompagner, pouvoir leur apporter des réponses et puis aussi les orienter vers des partenaires qui pourront aussi les aider dans le développement de leur activité. Mmh. Oui, d'ailleurs, Michael Sacoman a déjà été l'invité de cette émission, bien évidemment. Il nous expliquait qu'il était sur un premier degré d'information et lui, son travail, c'était d'orienter justement et notamment vers le déclic. Voilà. Et puis... Aussi, la différence, c'est que alors, nous, on travaille sur le territoire. Mmh. Ça veut dire que concrètement, une personne qui est en recherche d'un local, une personne qui souhaite être mise en relation avec un réseau hors partenaire ou acteur du monde de l'entrepreneuriat, on est tout à fait en capacité aussi de l'orienter, puisqu'on connaît très très bien notre territoire. Mmh. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aussi les orienter dans d'autres besoins. Et par expérience, Sylvie, c'est quoi les questions ou les problématiques qui reviennent le plus souvent quand un entrepreneur pousse la porte d'une permanence ? Alors les problématiques, bien souvent, c'est tout simplement les points de départ. L'administratif. Voilà tout, ce, ouais. Oui, voilà, tout ce qui va être administratif, c'est quel est le point de départ ? Comment il faut que je m'y prenne, tout simplement ? Et donc nous, là, on va pouvoir les guider. Par quoi je commence ? Comment je fais ? Toutes ces questions. Après, bien souvent, c'est aussi pouvoir les accompagner à prendre de la hauteur et du recul. On a la chance aujourd'hui d'avoir des porteurs de projets qui maîtrisent parfaitement leur activité. Pour vous donner un exemple qui me vient là tout de suite, c'est je suis carreleur, je suis un très très bon carreleur. Ce qui est totalement faux, parce que dans ma vie privée, je serais incapable de poser un seul carreau. Qu'on se le dise, hein, Marlène, que personne ne m'appelle pour cela, c'est pas la peine. Donc là, c'est vraiment à titre d'exemple. Mais voilà, on va rencontrer un carreleur et il sait faire son métier, mieux que personne. Par contre, demain, créer son entreprise. C'est ça. La gérer dans son quotidien, la développer. Il va devoir être commercial, il va devoir être communicant, il va devoir être comptable. Il va devoir... Et tout ça, nous, on va pouvoir les aider à prendre un petit peu de recul, à se dire, ok, vous maîtrisez très très bien votre métier, il n'y a aucun souci là-dessus, nous, on ne viendra pas vous juger ou venir vous dire le contraire. Par contre, nous, ce qu'on va pouvoir vous apporter, c'est tout simplement, on s'arrête, on se pose. Voilà. Est-ce que ça, vous avez pensé à le faire ? Est-ce que... Voilà, prendre le temps de bien gérer son entreprise ou son activité. Est-ce que ces permanences, elles répondaient à un besoin ? Est-ce que, par exemple, vous aviez pu constater que des personnes qui avaient un projet de développement d'entreprise, ils se trouvaient un petit peu isolés, justement, pour faire ça ? Alors, en effet, votre question est intéressante, Marlène, dans le sens où aujourd'hui, donc, comme vous l'avez présenté, comme je l'ai dit, donc aujourd'hui, moi, je travaille pour la communauté de communes du Val d'Amboise. Nos porteurs de projets... Tous, malheureusement, si je puis me permettre, n'ont pas l'idée de venir vers la communauté de communes, peu importe de quel territoire on se situe, pour venir les accompagner ou les aider dans leur création d'activités. C'est-à-dire qu'ils restent tout seuls ou ils s'adressent par exemple directement à la chambre des métiers, qui n'a pas le temps ou... Ça dépend, mais en tout cas... Aujourd'hui, par exemple, créer sa micro-entreprise, c'est en totale autonomie. Vous avez un écran, un ordinateur, vous cliquez sur trois... Mais en tout cas, créer sa micro-entreprise, aujourd'hui, c'est assez facile. Je suis seule, je le fais tranquillement et c'est fait. OK. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où, justement, le fait qu'aujourd'hui, nous, chargés de développement dans une communauté de communes, de pouvoir aussi aller vers... Je trouve que c'est très important. Donc, même si aujourd'hui, on n'avait pas vraiment cette demande qui était verbalement exprimée par nos habitants, il n'empêche que c'est important aussi de se dire qu'une communauté de communes, ce n'est pas uniquement la voirie, ce n'est pas uniquement tout ce que peut faire aujourd'hui le haut de l'iceberg d'une communauté de communes. C'est aussi, nous, notre rôle, c'est d'aller vers... Et là, aujourd'hui, cette permanence, déclic, c'est vraiment aujourd'hui... On va à la rencontre de nos habitants avec leurs différents besoins et essayer de leur apporter des réponses. Donc ces permanences, elles ont lieu à la fois à la Verrerie, donc au centre social, et puis également à Malétrenne, à la Sage, donc ex-FJT. Vous pouvez nous rappeler les créneaux horaires ? Oui, bien sûr. Donc le mardi, tous les 15 jours. Donc la première a eu lieu le 20 février. Donc la prochaine est le 3 février. Donc de 9h à 12h30 à la Sage, anciennement le foyer des jeunes travailleurs, donc à Malétrenne. Et le mardi après-midi de 13h30 à 16h30 au centre social de la MJC à la Verrerie. Très bien. Donc pour résumer, Sylvie, entre le forum de l'emploi du 5 février et puis les permanences entrepreneurs, on peut le dire, la communauté de communes du Val d'Amboise affirme clairement son engagement en faveur de l'emploi, de l'initiative locale et du développement économique de proximité. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous présenter toutes ces actions et nous rappeler qu'il y a plein de solutions qui existent, Sylvie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marlène. Merci beaucoup, Radioactive. Donc, vous l'aurez noté, que vous soyez en recherche d'emploi, en réflexion ou bien déjà lancé dans un projet, vous pourrez vous rendre ce jeudi 5 février de 9h à 13h à la Maison des associations d'Amboise, un événement qui, on le rappelle, est gratuit et ouvert à tous. Merci encore, Sylvie, et à très bientôt. Eh bien, à très bientôt, Marlène. C'est la fin de ce mag, on se retrouvera dès demain 18h pour une nouvelle édition. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.